lost in the airship, arrogant appearance to punish people by their heritage. NATO mirrors, hate and bearish, there is but faith to cherish. And improve face to face with race awareness. Erase the sheriff to army bombing, your God is with you. Calm over war, we gotta start a pistol. Cause if you right and know you right, then where's your righteous ways? France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le 11 septembre 2001, notre invité Pierre Melandry, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes historien, spécialiste des relations internationales et des États-Unis. Vous venez de publier le livre « Le siècle américain, une histoire » aux éditions Perrin. Alors, revenons sur cette journée du 11 septembre, non pas sur les faits qu'on venons de développer dans le récit, mais le souvenir que vous en gardez, que vous vous êtes vous dit au moment de voir ces images, à la fois en tant qu'individu, comme nous tous, mais aussi comme spécialiste des États-Unis. Bah écoutez, je crois avec le recul, comme vous l'avez d'ailleurs dit, que c'est typiquement de ces grands événements dont tout le monde se souvient exactement dans quelles circonstances, à quel moment il en a été informé. Et je me rappelle avoir, dans un premier temps, espérer que ce soit un accident, même si c'était déjà une tragédie d'une grande ampleur. Et puis, après que le deuxième avion a frappé, il était devenu évident qu'il s'agissait d'un attentat. Et je tout de suite pensais, c'est vrai, sans en être sûr, car on ne pouvait que faire des conjectures, que c'était sans doute un attentat venant de djihadistes islamistes qui, depuis longtemps, ne cachaient pas leur hostilité à l'égard des États-Unis. Ceci a été confirmé le lendemain officiellement par le directeur de la CIA. Et au fond, si on veut élargir un petit peu le point de vue, ça a été l'entrée, j'allais dire, tragique dans la face sombre de la globalisation. On en a eu deux dimensions. D'abord, la dimension médiatique. Au fond, les terroristes ont bénéficié du système médiatique occidental et essentiellement américain pour, dans une sorte de jiu-jitsu, retourner contre les États-Unis par l'éclat qu'ils ont donné à leur action, cette puissance. D'autant plus qu'ils frappaient au cœur des autres dimensions de la puissance américaine. Je veux dire la puissance financière, Wall Street, et la puissance militaire, le Pentagone. Autre aspect de la globalisation, jusqu'ici, en particulier sous l'administration Clinton, elle était considérée comme un atout formidable pour les États-Unis qui allait leur permettre de venir à bout de la plupart des problèmes. Là, on a vu que la globalisation pouvait engendrer des forces beaucoup plus sombres qui, surtout, n'étaient plus étatiques et était à même de remettre en cause non seulement la souveraineté, mais en l'occurrence l'invulnérabilité des territoires et des États. Ce que vous dites aussi, c'est qu'on avait changé de monde depuis la chute du mur de Berlin, parce que finalement, la globalisation ne pouvait pas se faire quand il y avait un monde coupé en deux, elle se fait après. Est-ce que ça veut dire que c'est la confirmation qu'après la chute du mur de Berlin, on entrait dans un monde plus dangereux ? C'est ce qu'a dit, dès 93, après le premier attentat contre le World Trade Center, qu'il ne faut pas oublier, absolument, qui a fait quand même, je ne sais plus, c'était 7 ou 9 morts, et plusieurs, un grand nombre et de blessés. Le directeur de la CIA, qui s'appelait James Woolsey, il a dit, au fond, nous avons terrassé le dragon, mais nous vivons dans une jungle de serpents venimeux, et à certains égards, il était plus facile de surveiller le dragon. Il est certain que les États-Unis, lorsque ils viennent à bout de l'empire du mal, se retrouve pas pour autant sans ennemis, sans menace. C'est ce qu'ils vont découvrir tout au long des années 90. Et le 11 septembre valide ça ou pas ? Est-ce que ça valide cette idée-là ? Oui, le 11 septembre, c'est quand même l'aboutissement d'une long processus qui, d'ailleurs, est complexe, puisque si l'on en part du principal auteur, c'est-à-dire Oussama Ben Laden, c'est un homme qui, à un moment, a été, objectivement, non pas la créature, mais l'allié objectif des États-Unis. Contre les Soviétiques, contre lors les de Soviétiques, l'invasion en Afghanistan. Lorsque les Américains absolument cherchaient à utiliser le bélier vert, comme bien on disait, sûr, contre le mur ou la menace rouge. Ben Laden en fait, est un homme qui semble avoir été marqué, d'après, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais d'après ce que j'ai pu lire, par quatre événements, tous quatre de 79. C'est-à-dire, évidemment, la chute du chat, qui montrait que l'on pouvait venir à bout d'un homme à la de poigne soutenu par les Américains. Absolument. Il y a eu aussi les attentats plus de la Mecque, qui était dirigé contre la corruption des leaders saoudiens, un phénomène que Ben Laden a cessé lui-même de dénoncer. Et puis il y a eu l'accord de Sadat avec les Israéliens, et enfin, surtout, le début de la guerre d'Afghanistan, qui a, semble-t-il, été transformationnel pour le personnage, puisqu'il va d'abord être envoyé pour financer les djihadistes afghans qui luttent contre l'occupant soviétique, puis va lui-même devenir un guerrier, s'illustrer par sa bravoure en 87 dans une bataille, et tout d'un coup décider de former avec un groupe d'Arabes, une sorte de force qu'il va institutionnaliser dans Al-Qaïda, la base à Peshawar, en 88. Je vais faire une confidence. Le jour du 11 septembre, moi, je suis journaliste à France Inter et je l'étais ce jour-là, le directeur de France Inter, qui était l'ancien correspondant des États-Unis, donc un homme qui connaissait bien les États-Unis, arrive et nous dit, bien sûr, on casse l'antenne, hein, ce qu'on appelle le breaking news aux States notamment. Et je me souviens de sa phrase, nous disant, c'est l'événement le plus important, le plus dramatique pour les Américains depuis Pearl Harbor. Est-ce que vous partagez cela? Oh oui, je crois que c'est une bonne image. Et je dirais même, dans un certain sens, je n'ose pas dire que c'est pire, car lorsqu'il y a des tragédies, établir des hiérarchies est quelque chose d'outrecuidant. Mais c'est quelque chose qui quand même frappe encore plus le public, car c'est le continent américain qui est directement frappé, ce qui n'avait pas été le cas, au fond, depuis la Deuxième Guerre avec l'Angleterre, au début du XIXe siècle, si je ne me trompe pas. Mmh. Autrement dit, c'est un choc tout à fait terrible pour le public et l'opinion, un choc qui d'ailleurs vaut, et c'est là aussi une tragédie qu'il n'ait pas su en tirer parti, une sorte d'union sacrée derrière un président qui, à ce moment-là, était vraiment en perte de vitesse. Il faut savoir que le début de la présidence Bush avait été relativement un échec. Allaité, ses conseillers avaient pensé lui faire une rentrée politique sur les valeurs familiales. Puis on s'était aperçu. L'école, notamment la visite de l'école, oui, lorsqu'il apprend. Et puis il y avait aussi l'idée que l'économie allant pas très bien, puisqu'on était en plein éclatement de la bulle informatique, il fallait qu'il donne dans l'économie. Et puis tout d'un coup, avec le 11 septembre, le problème, si je puis dire, de la communication, mais surtout, plus sérieusement, de l'orientation politique est réglé. Le problème, c'est la sécurité nationale. Sécurité d'abord. La preuve, Pierre Bellandry, on va écouter justement George Bush. Nous sommes le 20 septembre 2001, c'est-à-dire 9 jours après le drame. Et là, effectivement, comme vous le dites, il a changé de stature. Les événements l'ont fait changer de stature. The President of the United States. Il est entré comme un boxeur rentrerait sur un ring, décidé à en découdre et galvanisé par une foule tout acquise à sa cause. George Bush le savait, ce discours devant l'Amérique tout entière était sans doute le plus important de sa carrière politique. Il lui faudrait à la fois rassurer et contre-attaquer, se comporter en président, mais aussi en chef de guerre. Notre peine s'est transformée en colère, et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice, ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. L'heure est venue d'engager des représailles et d'exiger de l'Afghanistan des comptes. Livrez aux États-Unis tous les terroristes qui se cachent sur votre sol. Ces exigences ne sont ni discutables, ni négociables. De l'avis unanime, jamais George Bush, qui va devoir maintenant passer de la parole aux actes, n'était apparu aussi présidentiel. Et l'on ne pouvait s'empêcher de penser hier soir à le voir serrer dans ses bras l'un des chefs de l'opposition démocrate, qu'il y a 6 mois encore, cet homme, élu dans la douleur, était la risée d'une bonne moitié de l'Amérique. Voilà, ce qui corrobore, Pierre Mélandry, exactement ce que vous avez dit. Alors, il y a dans cette déclaration un côté, si vous n'êtes pas complètement avec nous, c'est que vous êtes contre nous. Donc, il y a un côté chef de guerre qui entraîne les autres et qui, alors, montre une fois de plus que les États-Unis, à tort ou à raison, se prennent quand même pour le centre du monde, quelque part. Même si, dans ces circonstances particulières, on ne peut pas émettre de critiques sur ce terrain-là. Mais c'est un côté, voilà, maintenant, on nous a fait ça, c'est comme si on vous avait fait ça. Oui, alors d'un côté, ils sont aux alliés, hein, aux à cette époque, ils peuvent se considérer encore comme une hyperpuissance. Le terme, après la chute de l'URSS, est tout à fait justifié. D'un autre côté, ils ont effectivement, dans ces moments de grande émotion, le soutien non seulement de leur propre peuple, mais surtout des étrangers et des alliés. C'est Poutine qui veut être le premier à appeler le président américain, c'est Jacques Chirac qui sera le premier à aller rendre visite. Vous souriez de New York. Les témoignages de sympathie abondent de partout. Et là, un moment exceptionnel existe pour une Amérique qui, malgré tout, sait que sa puissance est appelée à se rétracter et qui pourrait profiter de ce moment pour réaffirmer, pour un bon moment encore, son leadership. Or, elle ne va pas parfaitement le faire pour une raison qui va apparaître très vite, c'est que bientôt, mais très vite finalement, une arrière-pensée est dans son esprit, c'est de profiter de l'émotion bien légitime qu'ont créé les attentats pour réaliser un objectif qui était celui non pas de toute l'administration mais d'une partie de l'administration depuis le début, mais qui était impossible politiquement et qui le devient subitement, l'Irak. Envahir l'Irak. Il est certain que l'Afghanistan où était abrité Ben Laden est une cible qui est tout de suite en quelque sorte avalisée par les Nations Unies, par l'OTAN. L'Irak, évidemment, ce sera une autre affaire, car il s'agit d'une guerre de choix et plus du tout d'une guerre de nécessité. Alors, il y a un autre problème qui est posé aux États-Unis, pour le coup, ce sont deux problèmes, alors, des problèmes intérieurs, c'est que le 11 septembre, ce sont plusieurs changements de paradigme, hein. Finalement, on passe dans un autre monde, une autre logique, un autre modèle, et il y a la fin de la force de la CIA, tout de même. La CIA fait partie des services secrets les plus puissants du monde. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était une vraie question. La CIA n'était plus en phase avec ce monde nouveau. La CIA était très compétente dès lors qu'elle avait un adversaire identifié, son meilleur ennemi. Le KGB aurait-elle été perdue après la chute de l'Union soviétique? Elle a d'abord perdu beaucoup de moyens. C'est une période pour elle qui est difficile. Est-ce que c'est pas lié, le fait qu'on ait perdu l'ennemi? Elle n'a pas totalement, elle a raté totalement les attentats du 11 septembre, autant qu'on sache. Oui. En revanche, elle n'a pas totalement raté la menace représentée par Ben Laden. Ça fait longtemps qu'elle le signale sous Clinton quand même. Le degré d'attention qui est prêté à la menace terroriste est élevé. En février 2001, Ben Laden et Al-Qaïda sont désignés comme l'ennemi numéro un des États-Unis. Par ailleurs, il faut se rappeler le fameux mémorandum qui est présenté le 6 août 2001 au président dans son ranch à Crawford où il est en vacances. Ben Laden, déterminé à frapper aux États-Unis. Il y a même dans le mémorandum une phrase qu'il dit qu'il pourrait chercher à kidnapper un avion américain pour porter du tort au pays. Donc, il y a quelque chose qui est en train de... Enfin, la CIA n'est pas totalement, loin de là, aveugle au danger. Alors, ça rend les choses encore plus mystérieuses. Oui, mais il y a eu beaucoup de problèmes de communication, semble-t-il, entre les divers services de renseignement. Mmh. En particulier, on sait que, par exemple, il y avait l'affaire de Zacharias Moussaoui, qui voulait apprendre simplement à faire décoller un avion et le piloter, mais se moquer de savoir comment le faire atterrir. Ça a été signalé, comment dirais-je, par le bureau local du FBI. Les Français avaient dit qu'il probablement faisait partie d'une cellule d'Al-Qaïda. Personne n'a réagi ni osé fouiller son ordinateur personnel. Il y a eu surtout ce qui est raconté par un membre du FBI, qui est Ali Soufan, qui a écrit un livre, Black Banners, à ce propos. Il y a le fait que le CIA n'a pas signalé au FBI que deux suspects de terrorisme présents à San Diego se trouvaient sur le sol américain. Il y a eu beaucoup d'erreurs, ce qui fait que au lendemain des attentats, Bush va parler d'une action vigoureuse à l'extérieur, mais aussi d'une vigilance accrue à l'intérieur. Et on va avoir, Patriot évidemment, Act. Oui, toutes sortes de réformes qui vont être mises en place, soit par le président, soit par le Congrès, soit évidemment en coopération entre les deux pouvoirs. Alors, le Patriot Act est voté très vite, je crois, vers la fin octobre. Mmh. Ensuite, le président va se laisser convaincre d'instaurer un grand département de la sécurité intérieure. Surtout, il va y avoir la fameuse commission sur le 11 septembre qui va chercher à tirer les enseignements, évidemment, de ce fiasco terrible qui a été la non-prévention de ces attentats. Et elle va, comment dirais-je, préconiser, ce sera suivi, la création d'un directeur national du renseignement chargé de coordonner le renseignement à partir de toutes les agences très nombreuses qui existent aux États-Unis en la matière. Alors, Pierre Blandry, c'est important cette affaire de Patriot Act, parce qu'on voit à quel point le terrorisme interroge très durement les démocraties dans leur capacité à nous protéger sans empiéter sur nos libertés fondamentales. Et ça, c'est peut-être, s'il y a une victoire des terroristes, malheureusement, c'est peut-être aussi celle-là. Oui. Et le 11 septembre, nous le connaissons en France depuis janvier 2015. Oui, et ce n'est que le début, le Patriot Act. Mm. On aura ensuite beaucoup d'autres dérives, encore infiniment plus graves, qui seront évidemment Guantanamo, où seront surtout enfermés beaucoup de gens qui probablement n'avaient pas grand-chose à voir, pour partie d'entre eux au moins, avec le terrorisme. Alors on sait que l'on a demandé au seigneur de la guerre afghan de capturer des suspects de terrorisme et que les primes, évidemment, les ont incités à ne pas se montrer trop regardants. On va avoir, évidemment, aussi le recours à la torture. Que ce soit directement, et c'est quand même tout à fait inouï, dans une démocratie et par une agence qui elle-même avait pris ses distances et avait estimé que la torture n'apportait pas de renseignements. Par une démocratie qui se veut, rappelons-le quand même, le leader du monde libre, un modèle. Absolument. Et il y a eu les images terribles qui ont probablement recruté un nombre très important de djihadistes d'Abu Ghraib. Bref, il y a eu dans cette réaction de l'administration Bush une sorte de cadeau à Ben Laden dans la mesure où l'Amérique a paru démontrer qu'elle était presque conforme à l'image que voulait en projeter le leader d'Al-Qaïda. Ce qu'elle a évidemment complété en envahissant l'Irak. Merci Pierre Mélandry. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui le 11 septembre 2001, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, demain, suite de notre semaine américaine, Yes We Can, nous évoquerons donc l'élection de Barack Obama, la première en 2008. À suivre sur France Inter, bien sûr, la récré de Vincent Josse.